Chapitre 10e. Pendant que Raymond téléphonait avec Paulin Broquet, Harry essayait d'écouter ce que disait le détective. Mais l'appareil n'avait qu'un écouteur et Harry devait se contenter d'entendre les réponses de Raymond. N'y tenant plus, il bouscula Raymond, lui prit l'appareil des mains et téléphona. « Allô, Paulin Broquet, c'est moi, Harry. »« Oui, moi. Répondez, mais répondez donc !»« Allô, allô, mademoiselle, ne nous coupez pas, allô !» Harry, d'un mouvement furieux, raccrocha l'appareil en disant « C'est bien la France. Jamais le téléphone ne marchera dans ce pays. » Hors de lui, il se tourna vers Raymond. Mais Raymond, très calme, le regardait en souriant. « Prenez votre chapeau, » dit Raymond. « Mais avant de le mettre, donnez un coup de peigne à vos cheveux en désordre. Refaites un peu votre beauté. Arrangez votre cravate. Mettez d'aplomb votre col. Rajustez votre veston. Et quand vous serez en état présentable, vous viendrez avec moi. » « Où, avec vous ?»« À l'endroit que m'a désigné Paulin Broquet, là où je dois vous conduire. »« Encore dans un studio ?»« Je ne crois pas, mieux que ça. »« Me faire prendre un cocktail limonade de votre façon qui me rendra malade toute la nuit ?»« Je ne crois pas, mieux que ça. »« Le cocktail que vous allez prendre ne vous rendra pas malade, mais j'ai bien peur qu'il ne vous rende fou. » Harry sauta sur Raymond et le saisissant par le revers de son ami lui dit « C'est encore une machination de votre satané Paulin Broquet. » qui, après m'avoir fait dormir jusqu'à maintenant, veut achever de m'abrutir en me rendant fou. Mais ça ne se passera pas comme ça. Je vous avertis, et vous connaissez la vigueur de mes poings. Je vous préviens que s'il y a un traquenard, cette fois-ci je vous démolis complètement. « Eh bien, » dit Raymond très calme, « il y aura une belle bataille, et nous verrons un petit peu. » Il ajouta. « Mais celui qui sera le plus démoli, je crois que ce ne sera pas moi. Moi non plus. Nous verrons, si vous ferez tant que ça le fort et le malin. » Quand vous saurez où je vous mène et pourquoi je vous y mène. Alors parlez-moi, je suis américain, j'aime qu'on parle carrément et non pas comme les Français en disant un tas de mots qui ne signifient rien avant de dire ce qu'il faut dire. Il ne s'agit pas là d'Américains ou de Français, il s'agit seulement de vous. Écoutez ce que j'ai à vous faire entendre et ce qu'il est nécessaire que vous fassiez ce que le chef ordonne. Eh bien, dites-le-moi une bonne fois, voilà une heure que vous parlez et je ne sais pas de quoi il est question. « Vous me donnez un coup de téléphone et me racontez une histoire qui ne tient pas debout. » Raymond mit ses deux mains, d'ailleurs solides, sur les bras de Harry, les écarta de son veston et lui dit, moitié sérieux, moitié riant, « Si vous étiez plus calme, si vous pouviez entendre sans crier, vous sauriez déjà depuis longtemps ce dont il s'agit. Mais, en américain, vous criez tout le temps comme un port rouge sur le sentier de la guerre. Vous oubliez que nous sommes à Paris, une ville silencieuse. » « Oui. » s'écria Harry, tellement silencieuse qu'on ne s'entend pas dans ce tapage infernal de voitures, d'auto et de téléphones qui ne marchent pas. « Je vous en prie, » dit enfin Raymond, « une bonne fois, laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous expliquer. »« Mais parlez donc, j'attends tout le temps et vous ne dites rien. »« Alors taisez-vous 2 minutes, écoutez. »« J'écoute, parlez, mais parlez vite. » »« Voilà. Paulin Broquet nous dit de nous rendre, ou plutôt m'ordonne, de vous conduire au Concordia Palace. » Encore une idée baroque de votre célèbre détective? Oui. Où ça se trouve, le Concordia Palace? Avenue Kléber. Avenue Kléber. Au Concordia Palace. Pourquoi? Mais tout simplement pour voir Miss Stella Starring. À ce mot, Harry cessa de gesticuler, sauter, danser et de hurler. Il se plaça en face de Raymond et le regarda en roulant des yeux ronds. D'une voix anxieuse, il redit. Nous allons aller au Concordia Palace, avenue Kléber, pour voir Stella. Oui, c'est l'ordre de Paulin Broquet. Alors Paulin Broquet a découvert la nouvelle demeure de Stella. Je n'en sais rien, je reçois des ordres, je les exécute. Alors Paulin Broquet sait que nous allons voir Stella au Concordia Palace. Je n'en sais rien, nous allons y aller. Alors Paulin Broquet veut que nous voyions Stella. Je n'en sais rien, mais nous devons y aller. Et il bouscula tout doucement, en riant, le bouillant Harry, lui disant encore « Arrangez vos cheveux, arrangez votre cravate, arrangez votre veston, mettez votre chapeau et suivez-moi. » Chaque fois que Raymond donnait un ordre, Harry l'exécutait immédiatement, d'un bond, en poussant tout de même un cri de Sioux. Quand il fut prêt, arrangé et convenable, en entonnant le chant de triomphe de Harbard, ce fut lui qui entraîna Raymond, le portant presque dans ses bras. Il sortit du pavillon qu'il habitait chez son père en courant et courut vers le garage. Quelques minutes après, ayant poussé Raymond sur le coussin de sa voiture, il démarrait, sortait en toute vitesse du garage de la maison sans rien accrocher et se précipitait vers l'avenue Kléber. Tout en roulant, il criait « Avenue Kléber, Concordia Palace !» Quand il aperçut les grandes lettres de Concordia Palace, il cria « C'est là !» Il arrêta la voiture devant le perron, il sauta, et sans attendre que Raymond ait pu se déranger, il entra dans l'hôtel et demanda au gérant, à son bureau, l'appartement de Miss Stella Starring. Le gérant, devant cet énergumène qu'il ne connaissait pas, n'était pas très décidé à donner cette adresse. Heureusement, Raymond arriva sur ses entrefaites, montra une carte et dit au gérant simplement ceci, de la part de Paulin Broquet. Aussitôt, comme par enchantement, on donna le renseignement désiré. « Ne prenons pas l'ascenseur, » dit Harry. « L'ascenseur en France ne marche pas mieux que le téléphone. Il est capable de nous laisser entre deux étages. Nous n'en sortirons jamais. Nous n'arriverons jamais au troisième étage. Suivez-moi, voilà tout. » Et il commença l'ascension trois marches par trois marches. Raymond, qui était aussi sportif que Harry, le suivait pas à pas, à la même allure. Arrivé à l'étage, il demanda au garçon surveillant de bien vouloir l'annoncer à Miss Stella Starring. Le garçon sonna à l'appartement de Miss Stella Starring. On ouvrit la porte et le garçon entra demander si on pouvait recevoir M. Harry J. Brewster. Ce fut, on le conçoit, avec grand émoi, que ce nom fut entendu dans l'appartement de Miss Stella. L'appartement était encore encombré de valises et de malles non défaites et posées un peu partout. Dans le salon, Miss Stella, accablée, pleurait et près d'elle, Mme Doty se tenait, la caressant, l'encourageant, essayant de la réconforter, de la remonter. « Courage, mon enfant, puisque tu as commencé à t'engager sur cette voie de ce que ton frère et toi croyaient être votre devoir, tu ne peux pas renoncer dès les premières peines de ton calvaire. Harry, mon cher Harry, quel chagrin pour lui. Pas plus grand que le tien. Car toi, c'est ton père, victime innocente, qui te fait pleurer, et lui aura sa grande et inconsolable douleur causée par la faute de son père coupable. Pauvre Harry, comme il va souffrir, comme il va pleurer. Dans ce grand écroulement de tout espoir, dans cette immense douleur qui vous étreint tous les deux, je ne trouve pas, dans ma mémoire, un texte de Bible qui me permette d'invoquer aucune parole de réconfort. Je ne puis, avec mon cœur de maman, que te plaindre, toi comme je plaindrais ce pauvre Harry, car ni toi ni lui, vous n'avez mérité cette effroyable peine. » C'est à ce moment que le garçon d'étage vint demander si l'on voulait recevoir Harry Brewster. À ce nom, Stella et Mme Doty tressaillirent. Stella se leva et dit « Non, je ne peux pas recevoir Harry. Non, Mme Doty, il ne faut pas que je le voie. J'aime mieux me retirer. La souffrance serait trop grande pour tous deux. Je ne veux rien dire. Il ne faut pas que je le voie. C'est bien mieux. » La bonne dame répondit « Tu as raison, ma fille. Oui, c'est bien mieux que tu ne le rencontres pas en ce moment. » « Vous, Mme Doty, recevez-le, parlez-lui. S'il ne sait pas pourquoi, ne lui dites pas. Dites-lui simplement que je ne peux pas être sa femme et que mon amour est mort. Mais oh, que je le plains, que mon cœur est brisé. » Elle éclata en sanglots et s'en alla en disant « Dites-lui ce qu'il faut. Moi, je n'ai plus qu'à m'en aller pour cacher ma douleur et mon désespoir. » Elle se retira dans sa chambre et, se jetant sur son lit, cacha sa tête dans l'oreiller pour étouffer ses sanglots et se courber, pauvre femme, sous la plus grande douleur qu'un cœur de jeune fille ait jamais ressentie. Pendant ce temps, Harry était entré dans le petit salon. Lui, carrément tout à sa joie, à son bonheur d'avoir retrouvé le refuge de celle qu'il aimait tant, il entra en criant, de sa voix joyeuse et fraîche, « Stella, Stella, me voilà !» Il aperçut Mme Doty au milieu de la pièce. Il alla à elle. « Mme Doty » cria-t-il, toujours joyeux. Il prit la bonne dame dans ses bras, l'enleva de terre et l'embrassa comme un grand enfant embrasserait sa mère au moment de sa plus grande joie. « Mme Doty » répétait-il, « ma bonne nourrice, vite, faites-moi voir Stella. » Douloureusement, la bonne dame lui dit « Asseyez-vous, Harry. Écoutez-moi sans cri, sans grand geste, écoutez-moi. » Harry, en entendant cette voix calme, posée, lente et douloureuse, vit peu à peu son ardeur et sa joie s'effacer et sentit son cœur étreint par une douleur poignante qui semblait paralyser ses forces, sa jeunesse, et peser comme une chape de plomb sur son bonheur. Il ne posa plus de questions, il ne dit plus rien, et les yeux pleins d'angoisse, il regardait la bonne dame qui vint à lui, et comme elle faisait autrefois quand il était tout petit, caressait ses cheveux de sa main de bonne maman. « Harry, mon enfant, mon cher Harry, il faut que vous soyez maintenant plus fort et plus grand qu'un homme. Il faut que vous appreniez à votre pauvre cœur à supporter la plus grande douleur que l'homme puisse endurer sur cette terre. Il faut que vous ayez dans l'âme la place du plus immense deuil que vous puissiez redouter. » Harry eut un cri étreint dans sa gorge. « Stella est morte ?»« Faites, mon enfant, comme si Stella était morte, car vous ne pouvez plus la revoir. »« Mais pourquoi, pourquoi ?»« Mon enfant, écoutez-moi. Ne me demandez pas plus que je ne peux vous dire. Mais Stella ne peut plus vous aimer. Stella ne peut plus être votre femme. »« Pourquoi ? Qu'ai-je fait de mal ?»« Mon pauvre Harry, rien de mal. Vous ne pouvez rien faire de mal. » « Mais alors, pourquoi Stella ne serait-elle pas ma femme ?»« Jusqu'à présent, elle m'a dit qu'elle m'aimait, que j'étais son seul amour, comme elle a, elle, ma seule adoration. »« Je vous ai recommandé de dire à votre âme de prendre le deuil. Il faut prendre le deuil de cet amour qui ne peut plus exister. »« Pourquoi ? Encore une fois, pour quelle raison ? En quoi ai-je démérité ?»« Vous n'avez pas démérité. Vous êtes toujours le bon, brave et loyal Harry. Mais Stella ne peut pas être votre femme. » « Pourquoi ? Pour quelle raison ? Quel motif donnez-vous à ce refus ?»« Harry, je ne le répéterai plus, mais que votre âme prenne le deuil. »« Ces mots ne me suffisent pas. Je veux savoir. Il me faut une raison. Je veux une explication, quelle qu'elle soit. Moi, je n'ai pas démérité de Stella. Hier encore, j'étais sûr de son amour. Et aujourd'hui, elle me rejette. Elle me repousse. Elle ne veut plus être ma femme. Pour quelle raison ?» Il faut que je le sache, et je dois le savoir. Dussé-je employer n'importe quel moyen ?» Harry, je vous plains, mais ici, baissez la voix, car vous êtes dans une maison remplie de peine, remplie de douleur, où vos cris indignés et vos questions ne trouveraient que la souffrance. Je sais, dit Harry, que mon père refusait de me voir épouser Miss Stella. Pour des raisons que j'ignore, mon père s'est toujours opposé à ce mariage, et c'est seulement pour ne pas causer de chagrin à mon vieux père, que je ne suis pas passé outre à sa volonté, et que Stella et moi, nous ne sommes pas encore unis comme nous voulions l'être. « Harry, mon enfant, il faut obéir à votre père. »« J'ai obéi jusqu'à présent, tant que Stella ne me refusait pas d'être ma femme. Mais aujourd'hui, qu'elle me repousse, qu'elle me rejette, je veux savoir pourquoi. »« Ce n'est plus parce que mon père s'oppose au mariage. Il y a une autre raison, plus forte que celle-là. »« Ne m'en demandez pas plus, Harry. Retirez-vous et ne cherchez plus à revoir Stella. »« Il y a là quelque chose que vous, Mme Doty, qui avez été comme ma mère, qui avez été aussi comme la mère de Stella, vous ne voulez pas me dire. Il y a quelque chose de très grand et de terrible que votre bon cœur ne veut pas me laisser connaître. Harry, je vous prie, cessez de m'interroger. Vous me faites grande peine. Je vous demande pardon, Mme Doty, mais c'est ma vie plus que mon bonheur que je joue en ce moment. Je veux et je dois savoir. Comme je n'ai pas démérité de Stella, comme Stella est toujours digne de mon amour, ce n'est pas pour cette raison qui n'existe pas que Stella ne veut pas être ma femme. Alors, je me demande si ce n'est pas simplement parce que je suis le fils de mon père. Je me demande s'il n'y a pas là un mystère épouvantable, un drame que je ne prévois pas, que je ne vois pas, dont je n'ose envisager la terrible réalité. » Mme Doty secoua la tête. « Non, Harry, ce n'est pas ce que vous pensez. Non, moi qui ai servi de mère à Miss Stella, moi qui étais comme votre maman, si j'ai laissé naître et grandir cet amour, c'est parce que je savais qu'aucun obstacle humain ne pouvait s'élever entre vous deux. Vous pouviez, Stella et vous, vous aimer comme fiancés et vivre votre vie de bonheur comme mari et femme, mais la fatalité s'est abattue sur vous. Harry, je ne peux vous en dire davantage. » Harry courba la tête et d'une voix maintenant douloureusement lente et grave, il dit « Mme Doty, si vous ne pouvez, vous qui savez en dire davantage, si vous ne pouvez me dire ce que Stella sait elle-même pour me rejeter maintenant, après m'avoir aimé toute sa vie, je sais à qui il faut que j'aille en demander la raison. Non, Harry, ne faites pas cela. Courbez-vous sous ce malheur et ne cherchez pas à en savoir la raison. Mme Doty, vous venez de me dire, en voulant m'éviter une douleur, que seul mon père peut répondre aux questions que tout à l'heure je vous ai posées et que votre silence a suivi. Harry, mon pauvre enfant, croyez-moi, écoutez-moi, ne cherchez pas à savoir, ne dites rien, n'interrogez personne. » Mais Harry s'était déjà redressé. « Je vais simplement demander à mon père la cause de la haine dont il poursuivait Stella Starring. Et comme je ne vois pas d'autre motif, c'est parce que je suis le fils de Hugh J. Brewster que Stella Starring me repousse aujourd'hui. » Mme Doty serrait dans ses bras ce grand et vaillant garçon. Elle pleurait et lui disait « Harry, je vous en prie. Harry, ne faites rien. Harry, courbez-vous. Harry, ayez seulement espoir en Dieu. Harry, ne faites rien. » Mais Harry l'embrassa et lui dit, « Mame Doty, j'ai espoir en Dieu, mais comme c'est ma vie qui se joue, je veux savoir pourquoi ce grand malheur de ne plus revoir Miss Stella, qui est dans la chambre à côté, que j'entends pleurer, m'est arrivé. Pourquoi elle ne veut pas me recevoir, et pourquoi vous me dites de ne rien faire et de ne rien demander à mon père ?» Et s'écartant doucement de la bonne dame, il se précipita dans l'escalier sans même s'occuper de Raymond. Il dégringola 4 à 4, sauta dans sa voiture, et c'est en faisant un saut de gymnastique que Raymond parvint aussi à prendre place dans l'auto qui filait à la plus vive allure.